بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc on continue dans l'explication de l'usul al-thalatha, le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. On a été arrivé précédemment à la première base, l'asl al-awwal. On relit la parole du Cheikh. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبدي ليس لي معبد سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. On est arrivé au point où il dit وإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Si l'on te demande qui est ton Seigneur, réponds mon Seigneur c'est Allah, celui qui a subvenu à tous mes besoins ainsi qu'à ceux du monde entier en leur octroyant les différents bienfaits. C'est lui que j'adore, je n'adore nul autre que lui. Si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, alors réponds par ses signes manifestes et toute sa création. Parmi ses signes manifestes, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune, et parmi sa création, il y a les sept cieux et les sept terres, tout ce qu'ils contiennent et tout ce qui se trouve entre les deux. On a profité de cette parole du Shir pour expliquer les preuves du Tawhid sur la création, sur toute la création. Et on a cité parmi ces preuves du Tawhid, Al-Mithaq, le pacte qu'Allah a pris des fils de Adam. Dans Surat Al-A'raf, les versets 172 et 173, on a expliqué la fitra, Al-Fitra, donc la nature originelle sur laquelle Allah a créé l'homme. Donc il a pris des fils d'Adam l'engagement de n'adorer que lui et de reconnaître sa seigneurie, sa rububiya, et sa divinité, son adoration, sa ilahiya ou uluhiya, sa ibada, qui les a pris des fils d'Adam. On a expliqué cela, on a cité les paroles des ulama et des savants du tafsir. Et ensuite, par rapport à la fitra, la nature originelle, la preuve étant le verset de Surat al-Rum, les versets 30-32, et les hadiths du prophète, rapportés par Al-Bukhari et Muslim, et on a détaillé ces points-là. Ensuite, le Cheikh, il a cité comme preuve de tous ces points-là, le fait de connaître Allah par sa création. Il n'a parlé que de sa création. Il n'a pas cité la fitra, il n'a pas cité le mithaq. On a cité aussi l'aql, la raison saine, qui forcément arrive à... au témoignage de la seigneurie d'Allah, de sa rubia et de son adoration pure. Et bien sûr, la dernière des preuves est l'envoi des messagers, le fait qu'Allah ait envoyé les messagers pour appeler la création et tous les hommes et les djinns au tawhid d'Allah, à l'unicité d'Allah, à n'adorer que lui, entre amour, crainte et espérance. On va détailler tous ces points-là. Ensuite, il a cité le verset. Wa qawluhu ta'ala, inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ce qui signifie votre Seigneur c'est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'éleva, stawa, au-dessus de son trône. Il fait recouvrir la lune, le jour par la nuit, qui se succèdent interminablement. Il a créé également le soleil, la lune, les étoiles, en les soumettant à son commandement. Vraiment, à lui seul appartient la création et le commandement. Infiniment béni est Allah, Seigneur de l'univers. قال الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير رضي الله عنه تفسير de ce verset يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم. Allah nous informe, le Très-Haut nous informe qu'il a créé ce monde. سماواته وأرضه, ses cieux et sa terre. وما بين ذلك في ستة أيام, et tout ce qu'il y a entre eux en six jours. كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن, et cela il nous a informé, ou il nous a informé de cela dans plus d'un verset du Coran. وستة الأيام هي, et les six jours sont Al-Ahad, dimanche, Wal-Ithnain, lundi, Wal-Thulatha, mardi, Wal-Arbi'a, mercredi, Wal-Khamis, jeudi, Wal-Jumu'a, le vendredi. Wa-Fihi, Ijtama'a, al-Khalq, kullu. Et le jour du vendredi, pourquoi on l'appelle Jumu'a? Car toute la création s'est rassemblée ce jour-là. Wa-Fihi, Khuliqa, Adam, Wa-Fihi, Khalaqa, ay Allah, Wa-Fihi, Khalaqa, Adam. Et ce jour-là, il a créé Adam, alayhi salam. Wa-Khtalafu, fi hadhihi al-Ayyam. Et les savants sont divergents sur ces jours-là. Est-ce que tout jour dans lequel Allah a créé ces choses-là est comme notre jour à nous, comme c'est ce qui vient du premier coup à nos esprits, c'est la première chose qui nous vient, comme quoi quand Allah vient en six jours, c'est des jours comme nos jours, ou tout jour est comme mille ans, comme l'a dit Mujahid wa Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ahmad. Cela est rapporté par l'imam. Wa yurwa dhalik min riwayat al-Dhahhak an ibn Abbas. Il dit, et cela est rapporté aussi par la version de Dhahhak qu'il a rapporté d'Ibn Abbas. Fa amma yawm as-sabt falam yaqa fihi khalqun. Le samedi, il n'y a pas eu de création. Li'annahu al-yawm as-sab' wa minhu sumiya as-sabt wa huwa al-qat'a. Car c'est le septième jour et c'est ainsi qu'on l'a appelé as-sabt. As-sabt en arabe, ça veut dire al-qat'a. Le fait, l'interruption. فَأَمَّا حَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِي حَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ حَدَّثَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ. Donc il a cité un hadith rapporté par l'imam Ahmed, et on verra qu'il est aussi rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Il a cité son isnad, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ, rapporté par Abu Huraira qui dit أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيَّ. فقال, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a pris la main et il me dit خلق الله التربة يوم السبت. Allah a créé la terre le samedi. وخلق الجبال فيها يوم الأحد. Il a créé les montagnes sur cette terre le dimanche. وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين. Et il a créé les arbres le lundi. وخلق المكروه يوم الثلاثاء. Et il a créé le mal le jour le mercredi. Le mardi. Et il a créé la lumière le mercredi. Et il a répandu les bêtes sur la terre le jeudi. Et il a créé Adam après l'asr, le jour du vendredi, dans la dernière création. Fi akhir sa'atin min sa'at al-jumu'ah. Dans la dernière heure des heures du vendredi, entre l'Asr et la nuit, c'est-à-dire entre l'Asr et le Maghreb. C'est pour ça, bon, le site Ibn Qayyim rahimahullah, il s'est basé sur certains hadiths pour dire que cette heure-là, c'est l'heure où les invocations sont exaucées par Allah. C'est-à-dire juste avant le Maghreb, entre l'Asr et le Maghreb, mais juste avant le Maghreb. Il dit Ibn Kathir, وقد رواه مسلم الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج, et il cite le isnad, etc. Donc il cite qu'il a été cité par Abu Huraira. Et il dit comme quoi ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث. À cause de ce isnad là, pourquoi? Parce que dans ce hadith là, il a cité 7 jours. 7 jours. Il vient de citer 7 jours. Alors qu'Allah il dit dans son livre que quoi, que la création a eu lieu en 6 jours. À cause de cela, Al-Bukhari a critiqué ce hadith. Et il a dit ce hadith-là, ce n'est pas une parole du prophète, mais c'est une parole de Abu Huraira qu'il a rapporté de Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, comme c'est connu, c'est un savant juif qui s'est converti à l'islam à l'époque de Omar, si je me souviens bien. En tout cas, il était avec Omar le jour où il a conquis Jérusalem. C'est une personne, on ne critique pas son islam, il était d'un islam authentique et c'était un musulman, et rahimallah, radiallahu anhu. Par contre, il a rapporté beaucoup d'israïliettes, c'est-à-dire que lui, comme il avait étudié les livres précédents, souvent il expliquait le Coran ou il donnait des détails que lui, il avait trouvé dans les livres précédents. Donc certains ulémas rejettent ces paroles-là, ou en tout cas rejettent ce qui est en opposition avec le Coran et le Sunna. Il dit ensuite Ibn Kathir, « Amma qawluhu ta'ala, thumma stawa ala l'arsh » En ce qui concerne la parole du Très-Haut, puis il s'éleva au-dessus de son trône, Stawa. فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَ جِدًّا Il dit, les gens ont sur ce verset-là, sur cette parole-là, beaucoup de paroles, beaucoup d'avis. لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْتِهَا Il dit, nous n'allons pas les détailler. وَإِنَّمَا يُسْلَكُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ Et il dit, on doit suivre dans cette chose-là la voie ou l'école des salaf al-salih, des pieux prédécesseurs. مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم. Et il a cité les salaf qui sont Malik, l'imam de Médine, Al-Awza'i, l'imam du Sham, Al-Thawri, l'imam de l'Irak, Al-Layth ibn Sa'd, l'imam de l'Égypte, Al-Shafi'i qui est né à Gaza mais qui a vécu à la Mecque et en Égypte, wa Ahmad ibn Hanbal, l'imam de Bagdad, et Ishaq ibn Rahoya, l'imam de Khurasan. Ishaq ibn Rahoya, c'est un des chiites de l'imam Bukhari, un imam qui est au niveau de Shafi'i ou de Ahmed et qui vivait dans le Khurasan, c'est-à-dire l'actuel Perse, on va dire une partie de l'Iran, de l'Afghanistan, ça a formé la région qu'on appelait à l'époque Khurasan. Min a'immat al-muslimin qadiman wa haditha wa huwa imraruha kama ja'at min ghayr takyif wa tashbih wa la ta'til. C'est-à-dire de l'accepter telle qu'elle est venue. Cette parole-là, istawa, on l'accepte telle qu'elle est venue. Sans takyif, sans demander comment il s'est élevé au-dessus de son trône. Wala tashbih, sans dire il s'est élevé au-dessus de son trône en faisant ressembler Allah à ses créatures. Wala ta'til, et pas non plus en reniant le sens, hein, ou en annulant le sens de istawa, comme ils ont fait certains les innovateurs. Wadhahir, al-mutabadiru ila adhan al-mushabbihin manfihi wa anillah. Il dit, et le sens apparent, qui va qui apparaît à ceux qui font ressembler Allah à la créature, est nié pour Allah. On l'a nié. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَشْبِهُ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ Car Allah ne ressemble pas à une chose de sa création. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Rien ne lui ressemble et il est l'audient et le voyant. C'est le verset 11 de sourate Al-Shura. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم محمد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. Il dit, mais on dit, comme l'a dit Naïm ibn Hammad al-Khuzai, qui est le cheikh de Bukhari, qui a dit, celui qui fait ressembler Allah à sa création en mécru, et celui qui renie ce par quoi Allah s'est décrit, ce qu'Allah s'est attribué comme attribut, en mécru. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. Il dit, et en rien, dans ce qu'Allah, dans la manière dont Allah s'est décrit dans le Coran, les attributs qu'Allah s'est donné dans le Coran, ou que lui a donné son messager, rien de cela n'est du tashbih, n'est de la ressemblance avec la créature. En rien de cela. Quand on dit al-yad, ça ne veut pas dire le tashbih. Celui, quand on dit al-yad, la main d'Allah, il pense direct la main de la créature ou quoi que ce soit, c'est lui qui a un problème, ce n'est pas les textes. Le problème n'est pas dans les textes, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Le problème, il est en lui-même. C'est que cette shubha, cette ambiguïté de tashbih, elle est rentrée dans son cœur. Et qu'il demande à Allah de la faire sortir. Mais en tout cas, dans les textes, le sens apparent des textes, al-zahir, ne peut en aucun cas amener au tashbih. Ne peut en aucun cas amener à la ressemblance entre Allah et la créature. فَمَنْ أَثْبَتَ لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة الأخبار الصحيحة على وجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونافع عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. Donc celui qui affirme pour Allah ce qui est venu dans les versets et dans les hadiths authentiques d'une manière qui incombe à la magnificence d'Allah Azza wa Jal et qui renie ce que Allah sait nié ou qui nie ce que Allah s'est nié à lui-même et surtout les attributs de l'imperfection, celui-là, il a suivi la voie des gens bien guidés, il a suivi la voie de la guidée dans les noms et les attributs d'Allah. On l'a cité pour Al-Fa'ida, la parole d'Ibn Kathir dans son tafsir. Ensuite, il dit, Cheikh Mohammed Abdouahab, Rab huwa al-Ma'bud, wa dalil qawluhu ta'ala, et le Seigneur, Rab huwa al-Ma'bud, est l'adoré. L'oratan, au niveau de la langue arabe, c'est faux. C'est-à-dire, c'est pas vrai. Rab, ça veut pas dire al-ma'bud. Rab, le Seigneur, ça veut pas dire l'adorer. Mais ce qui veut dire, c'est que Tawhid al-Rububiyya yastalzim Tawhid al-Uluhiyya. Celui qui témoigne réellement qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, Rab, celui qui administre la création et celui qui fait toutes ces choses-là, forcément, il doit l'adorer. Forcément, il doit l'adorer. L'un implique l'autre. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة إلى cité le verset qui signifie aux gens. C'est un verset de Surat al-Baqara, c'est le verset 21 et 22 de Surat al-Baqara. Il dit, « Ya Yohannas, ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous-même, ainsi que vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux. » La'allakum tattaqun. C'est le but de la création. « C'est lui qui a créé pour vous la terre, telle une couche, et le ciel, tel un toit bien construit. Il a également fait descendre des cieux une eau, dont il a extrait des fruits de toutes sortes, afin que vous subveniez à vos besoins. » Allah Azzawajal, il nous dit, le premier ordre qu'il nous donne, c'est quoi? Adorer Allah. Ensuite, il nous dit, pourquoi adorer Allah? Allah, il a créé ça pour vous, il vous a donné ses bienfaits, il vous a donné tous les fruits, la terre, le ciel, etc., etc. Que si on comptait les bienfaits d'Allah, comme il a dit lui-même dans le Coran, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Donc, il nous a montré ses bienfaits. Au début du verset, il nous a ordonné d'adorer Allah. Et à la fin, il nous dit quoi? Fala taj'alou lillahi andada. N'attribuez donc pas d'associé à Allah. Fala taj'alou lillahi andada wa antum ta'lamun. As-Sa'di, il a dit dans son tafsir. Qala as-Sa'di fi tafsir. Hada amrun 'am li kulli an-nas. Ceci est un ordre général pour tous les hommes. Adorez Allah, votre Seigneur, et ne lui adorez pas. C'est un ordre général pour tous les hommes. Wa huwa al-ibadatu al-jami'a. Et c'est l'adoration qui rassemble. Qui rassemble quoi? L'imtithal yawamirillahi wa ijtinabi nawahi. Le fait d'appliquer les ordres d'Allah et de s'écarter de ses interdits. Wa tasdiqu khabari. Et d'accepter ou de rendre vrai ce qui nous a informé. Fa amara hum ta'ala bima khalaqahum la. Qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah leur a ordonné, le Très-Haut leur a ordonné ce pourquoi il les a créés. Et Allah a dit dans ce qui signifie: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم. Et ensuite, il a pris comme preuve de l'obligation de l'adorer seul le fait qu'il est notre Seigneur, qui nous a éduqués, hein, qui a pourvu à nos besoins, بأصناف النعم, par toutes les sortes de bienfaits. فخلقكم بعد العدم. Il vous a créé après le néant, alors que vous étiez du néant, il vous a créé. وخلق الذين من قبلكم. Et il a créé ceux qui étaient vos prédécesseurs, ceux qui étaient avant vous. وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة. Et il vous a accordé ses bienfaits, des bienfaits apparents et cachés. فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها. Il a fait pour vous la terre un lit. وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك في من محل إلى محل. Et il a dit, cette terre-là, vous y restez, vous y reposez dessus, et il a fait pour vous, et vous pouvez y construire dessus, et vous pouvez y cultiver dessus, et vous pouvez aller d'un endroit à un autre. Et d'autres que cela parmi le profit qu'on peut tirer de cette terre. Et il a fait du ciel un endroit. Ouais, il a fait du ciel, comment il dit? Il a fait du ciel un toit bien construit. Et il dit, وَأَوْضَعَ فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِكُمْ وَحَاجَاتِكُمْ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ. Et il a mis dans ce ciel les bienfaits pour vous, les choses qui vous profitent et qui sont nécessaires pour vous. Comme quoi? Comme le soleil, la lune et les étoiles. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Et il a fait descendre pour vous de l'eau. وَالسَّمَاءُ هُوَ كُلُّ مَا عَلَى فَوْقَكَ فَهُوَ السَّمَاءُ. Et le mot sama en arabe, c'est tout ce qui est élevé au-dessus de toi. وَلِهَذَا قَالَ الْمُفَسِّرُونَ Al-Muradu bis-sama ha-huna as-sahab. Il dit, c'est pour ça que les Mufassirun ont dit, le ciel dans ce verset-là, c'est quoi? Ce sont les nuages. Fa'anzala minhu ta'ala ma'an. Et il a fait descendre de ces nuages quoi? De l'eau. Fa'akhraja bihi min ath-thamarat. Et il a fait sortir avec cette eau des fruits. Kal-hububi wath-thimari min nakhil wa fawakih waz-zuru'. Il a donné des exemples. Rizqan lakum. Comme une quoi? Comme une subsistance pour vous. Bihi tartaziquna wa tataqawwatuna. وَتَقُوتُونَ عَفْوًا وَتَعِشُونَ وَتُفَكِّهُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Alors ne donnez pas à Allah des associés. أَيْنُ وَرَاءَ وَأَشْبَاهًا مِنَ الْمَخْلُقِينَ. Les choses des associés à Allah, c'est-à-dire des semblables à Allah parmi les créatures. فَتَعْبُدُونَهُمْ كَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ. Que vous adorez comme vous adorez Allah. وَتُحِبُّونَهُمْ كَمَا تُحِبُّونَ اللَّهِ. Et que vous aimez comme vous aimez Allah. وَهُوَ مِثْلُكُمْ. Alors qu'ils sont comme vous créés, marzuquna mudabbarun, et qu'ils reçoivent leur subsistance et qu'ils soient administrés comme vous. La amlikuna mithqala dharratin fis sama wa la fil ard wa la yanfa'unakum wa la yadurrunakum. Et ils ne vous profitent en rien et ne vous nuisent en rien. Wa antum ta'lamun, alors que vous savez, anna Allah laysa lahu sharik wa la nadhir. Et alors que vous savez quoi? Que Allah n'a pas d'associé et n'a pas de semblable. La fil khalq, ni dans la création, ou le risque, ni dans la subsistance, ou le tadbir, ni dans l'administration, ou la fil ibada, et pas non plus dans l'adoration. Fa kayfa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'ilmikum bidhalik. Comment alors adorez-vous d'autres divinités alors que vous sachez cela? Hadha min a'jab al-ujab wa asfaha as-safa. Il dit, cela est parmi les choses les plus bêtes qui soient. Wa hadhihi al-aya جمعت بين الأمر العبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. Et ce verset a rassemblé l'ordre d'adorer Allah seul et l'interdiction d'adorer d'autres que lui. وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته. Et il nous a donné une preuve claire sur l'obligation de l'adorer. وبطلان عبادة ما سواه. Et la nullité d'adorer d'autres que lui. وهو ذكر توحيد الربوبية متضمن لفراده بالخلق والرزق والتدبير. Et il nous cite dans ce verset توحيد الربوبية, qui implique le fait de l'unifier par la création, par la subsistance et par le fait qu'il pourvoit. Il dit, et si toute personne accepte que Allah n'a pas d'associé en cela, c'est-à-dire dans ses attributs de la création, de même, il faut qu'il accepte, il faut qu'il reconnaisse qu'Allah n'a pas d'associé dans l'adoration. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك. Il dit, cela, c'est la preuve rationnelle la plus claire sur l'unicité du Créateur et la nullité du shirk, بطلان الشرك. Donc ça c'est انتهى كلامه رحمه الله. C'est la parole de Sa'di dans son tafsir, dans le tafsir de ce verset-là, le verset 21 et 22 de sourate Al-Baqarah, pour montrer l'importance, pour montrer qu'il a rassemblé en fait toute la base de la da'wa tawhid, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il rappelle aux mushrikines qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent et qu'ils reconnaissent tawhid al-rububiyya ou des parties de tawhid al-rububiyya pour leur donner, les obliger à quoi? À reconnaître tawhid al-uluhiyya. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de l'adorer seul. Donc on va voir, le Cheikh va nous détailler, mais d'abord on va voir les paroles des ulama en ce qui concerne le sens de cette chose grandiose pour laquelle Allah nous a créé. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le premier verset qu'il a cité dans son Kitab al-Tawhid, c'est quoi? Après qu'il ait dit Kitab al-Tawhid, wa qawluhu ta'ala, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Kitab al-Tawhid est la parole d'Allah le Très-Haut, ce qui signifie, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans Surat al-Dhariyat, verset 56. C'est le premier verset de surat qu'il a cité dans Kitab al-Tawhid. Les commentateurs de Kitab al-Tawhid, particulièrement le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, dans son livre grandiose qui s'appelle Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid, il a ramené dans l'explication de ce verset les paroles de vraiment, on va les citer. C'est à la page 17 de l'édition d'Ar ibn Hazm en arabe. Qal Cheikh al-Islam, al-ibada hiya ta'atullah bimtithali ma amara Allah bihi ala al-sinat al-rusul. Cheikh Islam Taymiyyah a dit, l'adoration, l'ibad, c'est l'obéissance à Allah par l'application de ce qu'Allah a ordonné par la langue de ses messagers. C'est-à-dire par l'intermédiaire de ses messagers. C'est ça l'ibad. Et il dit aussi, al-ibadatu ismun jami'. Al-ibada est un nom général qui englobe li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda, qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Min al-aqwali wal a'mal, parmi les paroles et les actes, al-zahira wal batina, intérieur et apparent, ou apparent et caché. C'est-à-dire, et on va le voir, que l'ibada, comme il a dit Ibn al-Qayyim plus tard, on va le citer, on sait que l'homme, ses caractéristiques propres, c'est quoi? Le cœur, c'est-à-dire ce qu'il croit, lui, dans son cœur, la langue et les membres. L'ibada, elle englobe ces trois choses. Les actes du cœur, les actes, les paroles de la langue, et les actes des membres. Par Ibn al-Qayyim a dit, « Wa madaruha ala khamsati ashratin qa'ida » Il dit, l'ibada, Ibn al-Qayyim dit que l'ibada, elle est basée sur 15 règles. Men kammalaha kammala maratib al-ubudiyya. Celui qui complète ces 15 choses a complété les niveaux de l'ubudiyya, de la servitude, de l'adoration avec Allah. Qu'est-ce que c'est? Wa bayanu dhalik anna al-ibadata munqasimun 'ala al-qalbi wal-lisan wal-jawarih. Ils disent que l'on veut dire que l'adoration est divisée entre quoi? Entre le cœur, la langue et les membres. والأحكام التي العبودية خمسة et les règles ou les statuts de l'adoration sont 5. واجب obligatoire ومستحب comment on dit مستحب recommandé barakallahu fik وحرام et interdit ومكروه déconseillé ومباح la permission. وَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ. Et toutes ces règles, ce quoi, sont divisées sur le cœur, les paroles et les membres. Donc ça fait 3 fois 5, 15, c'est clair. قال القرطبي رحمه الله تعالى أصل العبادة التضلل والخضوع. Le Qurtubi a dit, la base de l'ibada c'est quoi? C'est le fait de s'humilier et de se soumettre. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. Et on a appelé les fonctions de la législation islamique adoration, car ils les font en se soumettant à Allah et en s'humiliant devant lui. قال عماد بن كثير ابن كثير a dit وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. Il dit Ibn Kathir, son adoration, l'adoration d'Allah, c'est le fait de lui obéir en faisant l'obligatoire et en délaissant l'interdit. وَذَلِكَ هُوَ حَقِيقَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ. Et cela est la réalité de la religion de l'islam. لِأَنَّ مَعْنَ الْإِسْلَامِ الْإِسْتِسْلَامِ لِلَّهِ تَعَالَى. Car le sens de l'islam, c'est la soumission à Allah, le Très-Haut. الْمُتَضَمِّنُ غَايَةِ الْإِنْقِيَادِ وَالذُّلِّ وَالْخُضُوعِ. Qui implique de se soumettre complètement et de s'humilier complètement devant Allah Azza wa Jal. Et il dit à propos de ce verset, c'est-à-dire وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Il dit Ibn Kathir وَمَعْنَ الْآيَة. Et le sens du verset أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Qu'Allah a créé la création pour qu'il l'adore, seul, sans associer. فَمَنْ أَطَاعَهُ جَازَهُ أَتَمَّ الْجَزَاء. Celui qui lui obéit en cela, il lui donnera sa récompense, une grande récompense. وَمَنْ عَصَاهُ عَذَّبَهُ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Et celui qui lui désobéit en cela, qui refuse d'adorer Allah, ou qui adore avec Allah d'autres que lui, il le châtira d'un grand châtiment. وَأَخْبَرَ أَنَّهُ غَيْرْ مُحْتَاجِ إِلَيْهِمْ. Et il nous a informé qu'il n'a pas besoin d'eux, il n'a pas besoin de la création. بَلْ هُمْ فُقَرَاءُ فِي جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ وَهُوَ خَالِقُهُمْ وَرَزِقُهُمْ. Il dit, mais ils sont pauvres, eux, dans tous leurs états. Nous, notre caractéristique propre en tant qu'humain, c'est la pauvreté. On est pauvre devant Allah. Et on est en état de besoin. On a besoin d'Allah Azza wa Jalla et lui n'a pas besoin de nous. Et c'est leur créateur et leur pourvoyeur. Qala Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu fil aya. Ali ibn Abi Talib a dit dans le sens de ce verset Illa li'abudun, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Illa li'amurahum ay'abuduni wa du'uhum li'ibadati. Que pour que je les ordonne de m'adorer moi. Et que je les appelle à mon adoration. Et Mujahid, qui est l'élève d'Ibn Abbas, a dit Illa li amrahum wa anhaahum. Que pour que je leur ordonne et que je leur interdise. Ikhtarahu az-Zujjaj wa Sheikh al-Islam. Et c'est ce qu'a choisi, dans le sens de ce verset, Sheikh al-Islam Taymiyyah. Intaha kalamu, rahimahullah, min fath al-Majid. Il dit Sheikh, pour nous comprendre l'adoration, il nous détaille les sortes de l'adoration. Anwa al-Ibad. Donc il dit le Sheikh, وأنواع العبادة التي أمر الله بها les différentes sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonné sont par exemple الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام الإيمان la foi et l'Ihsan l'excellence ومنه et parmi ces adorations il y a également الدعاء l'invocation والخوف la peur والرجاء l'espérance والتوكل la confiance والرغبة l'espoir d'être récompensé والرهبة la peur d'être châtié والخشوع l'humilité والخشية la crainte والإنابة le repentir والاستعانة la demande d'aide والاستعاذة la demande de protection والاستغاثة l'imploration du secours والذبح l'immolation c'est-à-dire le sacrifice والنذر le vœu وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها et parmi d'autres que cela parmi les sortes d'adoration والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا et la preuve est la parole d'Allah ce qui signifie donc wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada les mosquées sont réservées à Allah n'invoquez donc personne avec Allah ensuite le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab il nous a cité une règle générale qui doit être appliquée chaque fois qu'on parle de tawhid et de shirk lorsqu'il nous dit faman sarafa min dhalika shay'an li ghayri Allah celui qui consacre une quelconque de ses adorations à un autre qu'Allah fa huwa mushrikun kafir il est un mushrik kafir. C'est une règle générale. Dans ce petit texte, Al-Usul al-Thalatha, qui a été écrit pour les communs parmi les musulmans, il cite cette règle, qui est une règle grandiose, que toute personne doit connaître. Que les adorations, celui qui applique les adorations, qui les donne à Allah seul, il est muwahhid. Celui qui donne ses adorations, n'importe quelle de ses adorations, à un autre qu'Allah, il est mushrik kafir. Et il cite comme preuve, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Quant à celui qui invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, rendra compte de ses actes uniquement auprès de son Seigneur, certainement les kuffars, les kafirun, ne connaîtront jamais la réussite. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Ce verset, c'est une preuve claire que toute personne qui invoque un autre qu'Allah, il fait partie de quoi ? Del kafirun. Donc la preuve du shirk est claire. Parmi les sortes d'adoration, on va le voir, le shirk, il a cité ces sortes d'adoration là. Et il y a d'autres adorations qu'on aurait pu citer, comme l'obéissance dans la législation, et d'autres que cela parmi les adorations, on pourra, Inch'Allah, peut-être les citer. On va détailler la première adoration qu'a détaillé le cheikh ou qu'a cité le cheikh dans son épître. Il dit Ad-du'a. Donc la première adoration qu'il a citée, c'est quoi ? C'est la du'a, c'est l'invocation. Et la preuve, nous venons de la citer, que celui qui invoque un autre qu'Allah est un mushrik kafir. Et il dit Il a cité comme autre preuve وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Votre Seigneur a dit Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui refusent de m'adorer par orgueil, l'istikbar, entreront en enfer humiliés. Dans ce verset, on a deux choses. Allah nous ordonne de l'invoquer. C'est la preuve que c'est une adoration parce qu'Allah nous ordonne de le faire. Et il nous dit ensuite que celui qui par orgueil refuse de l'adorer, ce qu'on appelle al-istikbar, entrera en enfer humilié. Car la création se divise en deux. Ou se divise en trois, pardon. Al-muslimun al-muahidun. Les muslims muahidun. Pur monothéiste. Ceux qui adorent Allah seul. Al-mushrikun. Ceux qui adorent Allah et qui adorent aussi d'autres que lui. Faire attention. Le mushrik, il n'adore pas. Et ensuite, il y a al-mustakbirun, ceux qui refusent d'adorer Allah, et qui parfois adorent d'autres que lui, parfois n'adorent pas d'autres que lui, qui sont al-mustakbirun. Une au paradis, deux en enfer. Le Cheikh Ali al-Khudair, il a dit dans son commentaire de l'Usul al-Thalatha, il a dit, الدعاء لابد أن يكون موجه لله وحده لابد أن يوحد الله به. L'invocation doit être orientée vers Allah seul. Et Allah doit être unifié en cela. وَضِدُّهُ الشِّرْكُ فِي الدُّعَى Et son inverse est le fait d'associer le shirk dans l'invocation. وَهُوَ أَن تَدْعُوا اللَّهَ وَتَدْعُوا غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ C'est le fait que tu invoques Allah et tu invoques d'autres que lui parmi les prophètes والصالحين الموتى les pieux morts أو الغائبين ou les gens qui sont absents وهو شرك أكبر et cela est de la grande association وصور دعاء المسألة الذي هو شرك أكبر كالتالي il dit et les formes de l'invocation de demande qui sont du shirk akbar sont les suivantes et il en cite alif أن يقول يا رسول الله أو يا ولي الله الميت اكشف كربتي أو رزقني وهذا شرك أكبر في الربوبية والألوهية qu'on dise ô messager d'Allah ou ô allié d'Allah ولي الله ce qu'ils appellent les wali un mort اكشف كربتي ورزقني il dit quoi viens-moi en aide c'est-à-dire enlève-moi cette calamité hein, ou pourvois à mes besoins donne-moi la subsistance comme font certains mushrikin parmi les adorations des temples. Il dit, وَهَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ cela c'est de la, de la, de, du shirk majeur, فِرْرُوبِيَ وَلْأُولِهِيَ dans la seigneurie et dans l'adoration. Pourquoi c'est de, du shirk akbar dans la seigneurie et dans l'adoration, et pas simplement dans l'adoration? La personne qui demande à un autre qu'Allah qu'il vienne qu'il assure, c'est lui dans sa subsistance. C'est qu'il croit qu'un autre qu'Allah a le pouvoir de donner la subsistance. Donc le simple fait d'invoquer un autre qu'Allah, c'est du shirk dans l'adoration. Il a associé Allah dans l'adoration. Mais le fait de demander la subsistance et de croire qu'un autre qu'Allah donne la subsistance, c'est du shirk dans la seigneurie, dans le rubir. Donc c'est la pire sorte. Ils ont rassemblé les deux sortes de shirk. أن يقول يا ولي الله الميت الغائب ادعو الله لي بالتوفيق أو الرزق أو المغفرة أو استغفر لي. Qu'ils disent, c'est la deuxième sorte. Ô allié d'Allah, c'est-à-dire en ce qui concerne le mort ou l'absent, invoque Allah pour moi, qu'il me donne la subsistance ou le pardon, ou demande pardon à Allah pour moi. Le shirk considère que cette forme-là est du shirk akbar. Sachant que certains ramènent des paroles d'Ibn Taymiyyah et d'autres ulama pour montrer que cette manière-là, il y a divergence. Certains considèrent que c'est du shirk asra, que c'est une voie vers le shirk. De toute façon, c'est interdit. Pour un mort ou pour le messager d'Allah, c'est une innovation qui n'a été, jamais été pratiquée par les salafs. Mais est-ce qu'en tant que tel, c'est du shirk? Pourquoi? Disons, s'il est auprès de la tombe, et qu'il pense que le messager d'Allah est vivant dans sa tombe, et qu'il l'entend, et qu'il dit au messager d'Allah, comme je parle maintenant au frère qui est à côté de moi, demande pardon à Allah pour moi. Dans ce cas-là, il peut y avoir divergence. Et en tout cas, ça peut permettre de dire qu'on ne va pas faire tekfir sur une telle personne, dans le cadre de la divergence. On pourrait citer les paroles d'Ibn Taymiyyah, mais je ne les ai pas maintenant. Peut-être on verra par la suite, ou on verra le développement de la chose. Si par contre il est actuellement en France, et qu'il demande au messager d'Allah, ou à n'importe qui est mort, ou quoi que ce soit, et qu'il lui demande même de demander pardon à Allah pour lui, ça c'est la preuve, cette personne, c'est un mouchrik de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il pense que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son oui, et le fait qu'il entende, est comme celui d'Allah, qu'il a ce qu'on appelle as-sam al-mutlaq, la totalité de quoi? De l'ouïe. Allah qui entend, Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs de la perfection, comme quoi il entend toute personne à tout moment, à chaque lieu. C'est-à-dire, on va prendre, les ulama, ils prennent l'exemple du jour de Arafat. Le jour de Arafat, lorsque les gens invoquent Allah, ils ont des millions à invoquer Allah au même moment, dans des millions de langues, et Allah Azza wa Jal, il comprend et il exauce tout en même temps. Subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut qui peut appartenir qu'au créateur sublime et à l'adoré sublime qui est Allah Subhanahu wa ta'ala. Parce que si une personne croit que cette chose-là est notre qu'Allah, de toute façon, c'est un mushrik kafir. Jim, la troisième sorte du shirk akbar, ya wali Allah. Il dit, celui qui dit, oh, allié d'Allah. Ishfa'li yawm al-qiyama. Sois un intercesseur pour moi le jour de la résurrection. Wa farq bayna al-thali wa al-thalith. Anna al-thani talaba min al-mayyit umuran yuriduha minhu fi al-dunya. Wa amma al-thalith fahu yuriduha fi al-akhira. Wa lidha qal ishfi' min al-shafa'a. Il dit la différence entre le deuxième et le troisième, c'est que le troisième, celui-là, là, il a demandé quelque chose qui est dans l'akhira, alors que le premier a demandé quelque chose qui est dans le dunya. Voilà, il cite parmi les preuves, il dit cela, il y a les preuves du Coran, la sunna et l'ijma'. En ce qui concerne le Coran, on l'a cité. On a cité deux preuves. En ce qui concerne la sunna, il y a de nombreuses preuves. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit dans Sunan al-Tirmidhi, et c'est un hadith authentique, et qu'il ait dit Ad-du'a huwa al-ibada. Le hadith il est venu comme cela. En une Uman ibn Bashir, radiallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعوني استجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النووي في الأذكار وابن حجر في الفتح قال إسناده وقال ابن حجر في الفتح إسناده جيد. Donc ce hadith il est rapporté par Nu'man ibn Bashir qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit alors qu'il était sur le minbar, la dua et l'adoration, l'invocation et l'adoration. Et il a ensuite lu la parole d'Allah: invoquez-moi, ce qui signifie invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui refusent de m'adorer par orgueil entreront en enfer humiliés. Surat Al-Kahf, verset 60. Ce hadith il est rapporté par Ahmed, Abu Daoud, numéro 1479, et Tirmidhi. Il a été authentifié par An-Nawawi dans son livre Al-Azkar. Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari, son isnad est très bien. Jayyid. Isnad authentique ou hassan. Parmi les versets qui interdisent, qui d'abord rendent obligatoire la dua et interdisent la dua de notre qu'Allah, il y en a des centaines. Je cherche exactement, il me semble que certains ulama ont dit. Bon, je trouve que l'essentiel. Par exemple, le verset de Surat Yunus, le verset 106. Parce qu'Allah a dit: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Si tu fais cela, tu seras certes parmi les injustes. Dans ce sens-là, الظالمين et alif wa lam, ce sont les mushrikin, les kafirin, etc. Parmi les paroles des ulama, on peut citer la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sachant que le fait que l'invocation de notre qu'Allah soit interdite, c'est pas quelque chose qui est propre à ce qu'on pourrait appeler les wahhabites ou l'école d'Ibn Taymiyyah ou quoi que ce soit. On peut trouver des paroles de tous les ulémas du tafsir, de tous les ulémas des quatre écoles, etc., etc. Il dit Cheikh: en ce qui concerne le fait de prendre des intermédiaires avec Allah, comme ils font les mushrikines, il dit: من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه. Celui qui établit des intermédiaires entre Allah et sa création. كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية. Comme les intermédiaires qui sont entre les rois et la populace. فهو مشرك. Il est un mushrik. بل هذا دين المشركين عباد الأوثان. Cela est la religion des mushrikines, adorateurs d'idoles. كانوا يقولون إنها تماثل الأنبياء والصالحين. Ils disaient à propos de leurs idoles qu'elles sont quoi? إنها تماثيل, عفوا, تماثيل الأنبياء والصالحين, qui sont des représentations des prophètes et des pieux. وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله, et qu'ils sont des moyens pour se rapprocher d'Allah. وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى. Et c'est le shirk qu'Allah a reproché aux chrétiens. C'est dans Majmou al-Fatawa, le volume 1, à page 134, et c'est tiré du Nawaqid al-Iman al-Qawli wal-Amaliya, à la page 149. Alhamdulillah. Le Cheikh dit ensuite: ودليل الخوفي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Shahid, donc dans la preuve que la peur est une forme d'adoration, la parole d'Allah: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si vous êtes vraiment croyants. Donc la peur d'Allah Azza wa Jal fait partie de ce qu'Allah nous a ordonné. C'est donc une adoration. C'est quelque chose, comme l'a dit Ibn Taymiyyah dans sa définition de l'adoration, qu'Allah aime et agrée de nous et qui nous interdit de donner à un autre qu'Allah. Mais il faut bien voir comment ça s'appelle, en quelle Donc, si cette peur est donnée à un autre qu'Allah, صرف هذا الخوف لغير الله, quand cela est-il du shirk, ou quand cela est-il permis, ou quand c'est de la peur naturelle ou de la peur secrète, خوف السر. Donc, الشيخ الخضر يقول فإن خفت الله هذا توحيد ومتى يكون خوف الشرك. Si tu as peur d'Allah, cela est du tawhid. Et quand la peur devient-elle du shirk? يكون شركا في الحالات التالية. Cela devient du shirk dans les cas suivants. Alif. أن تخاف من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. مثل أن تخاف من شخص أن يقطع نسلك أو يدخل أو يدخلك النار. La première chose, que tu aies peur d'une créature dans une chose que seul Allah a le pouvoir de faire. Comme que tu aies peur de cette personne, qu'il coupe ta descendance, c'est-à-dire qu'il t'empêche d'avoir une descendance, ou qu'il te fasse rentrer en enfer. C'est clair que celui qui a peur d'une créature en cela, a associé à Allah dans la peur. C'est donc le mushrik kafir. Ba, al-khawf min ahl al-qubur, wa min al-ghaibin, amma binismati bi ahl al-qubur, fal-khawf minhum shirkun akbar. Il dit la peur des gens qui sont dans les tombes, des morts. Cela est du shirk akbar. Il dit en ce qui concerne al-ghaibin, les absents, fafi tafsir. Amma. إن خفت منه ما سوف يفعل بك فيما بعد فهو الآن غائب لكن لو حضر قد يؤذيك فهذا خوف طبيعي. Il dit si jamais tu as peur d'une personne absente, car quand elle va revenir, elle peut te faire du mal, dans ce cas-là, c'est une peur naturelle, rien à voir avec le shirk. أما إن خفت منه وهو غائب وخافت منه وخفت منه الآن وهو لا يسمعك ولا يدري عنك وليس هناك وسائل حسية مادية مثلا فهذا شرك أكبر. Si jamais par contre il a peur de la personne et que la personne n'est pas là pour le moment et qu'il ne l'entend pas et qu'il ne sait pas ce que où est la personne ou qu'il ne sait pas rien à propos de la personne et qu'il n'y a pas de moyens matériels qu'il le sache comme des écoutes ou des choses comme ça, cette chose là c'est de la peur qui est du shirk akbar. On le voit clairement, ce qu'il a donné au début, c'est clair, c'est par exemple les mushrikines parmi les adorateurs de tombes ou quoi, ils ont peur des gens des tombes, même s'ils sont à des milliers de kilomètres. Et lorsque les gens du tawhid, c'est rapporté dans plusieurs livres, venaient dire à une personne, mais ce wali là qui est dans sa tombe, il profite à rien, si tu l'adores pas, qu'est-ce qu'il est mort, il peut même pas enlever le mal qui le touche à lui-même. Et quand tu disais ça à la personne, quand il disait ça au mushrikine, la personne a commencé à trembler de peur. Comment tu vas, si tu parles du wali un tel, tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas avoir un accident ou des choses comme ça. Ce genre-là, c'est du shirk akbar. Cette peur-là, c'est du shirk akbar. Il dit que la peur des djinns, de manière générale, est du shirk akbar. Dans cela, il y a un tafsil aussi. Si c'est dans le cadre où la personne elle a peur que les djinns qui sont là lui fassent du mal ou quoi que ce soit, il faut qu'elle place sa confiance à Allah Azza wa Jalla. Que ce soit du shirk, Allah a'lam. Je ne pense pas que ça arrive au niveau du shirk akbar. Dans une chose que seul Allah, qu'Allah n'est pas le seul à avoir la capacité de commettre, comme le fait de frapper ou des choses comme ça. Un seul qu'une chose a le droit de commettre là, dans ce cas-là, bien sûr. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La preuve que l'espérance est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah, que nous allons citer, ce qui signifie celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres, qu'il n'associe rien dans l'adoration, qu'il vit, qu'il voue à son Seigneur. Donc espérer la rencontre de son Seigneur, avoir l'espoir en Allah, Azza wa Jal, c'est une forme de tawhid. Quand l'espoir devient-il du shirk? Le Cheikh Ali dit إِذَا رَجَوْتَ غَيْرَ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ هَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ كَمَا لَوْ رَجَوْتَ مِنْ شَخْصٍ أَنْ يَرْزُقَكَ. Il dit toujours pareil, c'est une règle générale qu'il faut comprendre et appliquer dans les situations. Le fait d'espérer d'une personne une chose que seul Allah a la possibilité de commettre, c'est du shirk akbar. Dans le cas d'espérer d'une personne, par exemple, qu'il te donne la subsistance, ou qu'il te donne des enfants, ou qu'il te guérisse des maladies, ou quoi que ce soit. C'est du shirk. Il dit, parmi ces choses qui sont du shirk, الرجاء من المقبورين والغائبين. Il dit le fait d'avoir l'espoir aux gens de tombe et aux gens absents. Cela est du shirk akbar, l'essentiel. Mas'ala. Le shirk dit mas'ala. Question. لو أن إنسانا ذبح لميت يرجو شفاعته أو وساطته عند الله فهل هذا العمل شرك في الرجاء أم شرك في الذبح؟ Il dit si une personne sacrifie pour un mort, en espérant son intercession auprès d'Allah, est-ce que cet acte-là, c'est du shirk dans l'espoir ou du shirk dans le dhabh? Il dit, هذه مسألة مهمة وبها يقع الغلط والالتباس والاختلاف ومن نظر إلى الرجاء لوحده قال إنها عبادة الرجاء ومن نظر إلى الذبح جعلها من باب الذبح لغير الله. Il dit, c'est une question importante. Les personnes qui vont voir de la personne que l'espoir qu'elle a en ce mort, celles-là vont dire c'est du shirk dans leur raja. Mais ceux qui vont voir juste le sacrifice, ils vont dire il a sacrifié pour un autre qu'Allah, c'est du shirk. والصحيح هذه المسألة وامثالها مما له وجهان وجه يتعلق بالقلب وجه يتعلق بالجوارح. Il dit, et l'avis le plus authentique dans les questions comme celle-là, qui ont deux faces ou deux aspects, un aspect qui se rapporte au cœur. Pourquoi il a sacrifié pour un autre qu'Allah? Parce qu'il espère dans son cœur que cette personne va être intermédiaire pour lui au jour de la résurrection. Et un autre aspect de cette question, c'est les membres. On le voit qui sacrifie pour un autre qu'Allah. Ayyunat al-ism bil-zahir, que la cause du nom qu'on lui accole, c'est-à-dire mushrik ou kafir, soit l'apparent, l'acte apparent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chemin pour savoir ce qui se passe dans son cœur. Donc nous, on juge sur l'acte apparent. لأنه كفر مستقل car c'est une mécréance en lui-même ظاهرا علق عليه الشارع الكفر والشرك. Il dit Cheikh, il dit une phrase très importante, je vais essayer de la traduire bien et de l'expliquer pour la comprendre, c'est une chose très importante. وتعليق الأمر الظاهر الذي سمي في النصوص بالكفر والشرك بأمر باطني أو قلبي هذا إرجاء وهذا مسلك المرجئة. Il dit, et le fait de donner un acte apparent dans lequel, sur lequel les textes disent que c'est du kufr ou du shirk, c'est-à-dire akbar, de le rapporter à quelque chose qui n'est pas apparent, c'est-à-dire qui fait partie de l'intérieur, qui fait partie du cœur, cela est de l'irja. Et c'est ça la voie des murja. La traduction n'est pas très bonne, mais je vais essayer de me faire comprendre. Une personne, lorsqu'on lui dit un tel a sacrifié pour un autre qu'Allah. Donc le fait de sacrifier pour notre Allah, on va le voir dans ce qui va suivre, c'est du shirk en lui-même, du shirk akbar. Allah, il a jugé que cet acte-là, donner cette adoration à notre Allah, c'est du shirk akbar. Si une personne nous dit oui, d'accord, cette personne-là, il est mushirk, mais parce que dans son cœur, il a adoré cette personne, ou il a cru que cette personne avait le pouvoir de lui profiter ou de lui nuire, et c'est pour ça qu'il est mushirk, pas pour l'acte apparent. Ça, c'est un murji. Ça, c'est la croyance des Murji'a, des Asha'ira et de la plupart des sectes qui considèrent que la foi, c'est dans le cœur. Alors que la foi, c'est dans le cœur, dans la parole et les actes. L'acte en lui-même, nous, en tant qu'Ahl al-Sunnah, il suffit pour le faire sortir de l'islam. Il continue, Cheikh, il dit « Amrun akhar, لو جاء شخص وذبح للصنم وذبح للصنم فهذا مشرك ونوع الشرك تقول أشرك لأنه ذبح لغير الله. Il dit, pour expliquer cela, il dit, si une personne vient et sacrifie pour une idole, pour une statue, c'est un mushrik. Et le shirk dans lequel il est tombé, c'est le shirk par le fait d'avoir sacrifié pour un autre qu'Allah. Et c'est une erreur de dire il a associé parce qu'il a espéré un autre qu'Allah. Voilà. Il dit, alors, comment peut-on dire ou quand peut-on dire cette personne-là fait du shirk dans l'espoir seulement? Et il donne un exemple. Al-Jawab. La Buddha min qawl suratin la yadkhul fiha amran min al-ibadati al-zahir al-ma'rufa fi al-shar' anna surataha suratu ibada aw hay'atuha hay'atu ibada. Fa in qulta tafa raja'an fa hadha la yasah lian at-tawaf suratuhu suratu ibadatin fi al-shar' lian lahu mathilan shar'iyya. Là, tu as dit, l'essentiel, il donne. Il donne un exemple après. مثل رجل سكن في قرية فيها ولي مقبور معظما يرجو بهذا السكن والمجاورة السلامة من الآفات أو المال من هذا المقبور ونحو ذلك. Il dit, il donne un exemple précis. Il dit, par exemple, une personne qui va aller habiter dans ce village. Parce qu'il sait que dans ce village, il y a un wali qui est enterré et qu'il espère que par ce fait d'habiter dans ce village-là et près de ce wali-là, il aura des bienfaits qui lui viendront et il aura de l'argent ou de la bonne santé. Ça, c'est du shirk dans l'espoir. Wallahu a'lam. faut pas croire que ces questions-là qui citent le shirk, c'est des questions théoriques. Nous, on pense, les gens qui, alhamdoulilah, depuis qu'ils sont rentrés dans l'islam, ont eu entre les mains des livres comme le Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed Abdel Wahab, ou n'ont pas eu leur fitra qui était complètement corrompue ou quoi que ce soit, c'est des choses qui ne leur passent même pas par la tête. Comment on peut imaginer qu'une telle personne... Mais va dans certains pays, la grande majorité des gens qui se prétendent musulmans, qui font la salat, qui lisent le Coran, même certains, c'est ajib, mais oui, certains lisent le Coran, ils ont ce genre de croyance. Ils invoquent d'autres qu'Allah, ils habitent dans des endroits parce qu'ils savent que parce qu'il y a des tombes adorées en dehors d'Allah, quoi que ce soit. Ce n'est pas des choses théoriques complètement. C'est la plupart du monde islamique qui est touché par ces maladies. En Égypte, ils adorent la tombe de Bedawi. En Syrie, ils adorent la tombe d'Ibn Arabi. Ils adorent la tombe de Sayyid Zainab à Damas. Au Pakistan, les tombes sont nombreuses. En Afghanistan, n'en parlons même pas. La ville Mazar Sharif, elle est construite sur une tombe adorée en dehors d'Allah, une idole. Et elle s'appelle Mazar Sharif à cause de ça. Parlons même pas de l'Iran. Considèrent que leurs imams font tomber la pluie. Donc, parlons même pas des pays, que dire, Algérie, Maroc, le Maghreb arabe, c'est pareil. La tombe de Moulay Idriss au Maroc, c'est une ville sainte. Moulay Idriss, là où est soi-disant le fondateur de la dynastie chérifienne qui est au pouvoir au Maroc, là où est sa tombe, c'est une ville sainte. L'alcool est interdit dans cette ville. Pas dans les autres villes, hein. Mais dans cette ville, il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une ville sainte, parce qu'il y a la tombe de leur idole qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ils l'adorent en dehors d'Allah. Ne parlons pas des pays au Sénégal, la tombe de Amadou Bamba, etc., etc. C'est des choses qui sont malheureusement répandues dans la plupart, en Turquie, etc., etc. Wa dalilu tawakkul qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qawluhu ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Preuve que le fait de s'en remettre à quelqu'un est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Ce qui signifie, remettez-vous-en uniquement à Allah si vous êtes vraiment croyant. Et la parole suivante, et celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit amplement. Donc cette adoration, c'est quoi? C'est le tawakkul. Shar'an, al-i'timadu ala Allah li jalb al-khayr ou daf' al-shar. Au niveau de la législation, le tawakkul, c'est quoi? C'est le fait de s'en remettre à Allah dans le fait de vouloir le bien et de repousser le mal. Matayakun tawakkul ibada. Quand le tawakkul est une adoration envers Allah. Idha atamada wa fawada amrahu ila Allah fahada tawhidun. Il dit si jamais on place sa confiance et on se repose en Allah, cela c'est du tawhid. Quand cela devient-il du shirk? Il dit le shaykh Ali, idha atamada ala al-makhluq fima la yaqdir alayhi illa Allah. الذي يعتمد على المخلوق في نزول المطر وحصول الرزق أو النسل أو يعتمد عليه في الشفاء والسلامة من الأمراض وهذه الأمور لا يقدر عليه إلا الله وهي شرك أكبر. Dit si la personne se repose, place en confiance à la créature dans une chose que seul Allah peut a le pouvoir de faire, comme le fait de faire tomber la pluie ou d'amener la subsistance ou la descendance, ou qu'il place sa confiance à la personne pour la guérison, ou le fait, au contraire, de ne pas être malade. Toutes ces choses-là sont du shirk akbar. Ensuite, il dit la deuxième chose. الاعتماد على الأموات والجمادات كان يثق بأن هذا الميت سوف يعطي أو يدفع عنه وهو شرك أكبر. Le fait de s'en remettre aux morts, ou aux choses non douées de raison, aux idoles, aux pierres, aux tombes, toutes ces choses-là sont du shirk akbar. الاعتماد على الأسباب شرك أصغر. La personne qui se repose juste sur le sabab, sur la cause, qui place sa confiance sur les causes, sur seulement le médicament, c'est du shirk asghar. C'est du shirk asghar. Pourquoi? Parce que ces choses-là, Allah a mis, a les a fait comme cause de la guérison. Le seul guérisseur en vrai, c'est Allah Azza wa Jal. Mais ces choses-là sont des causes de guérison. Il dit par exemple la ya'tamid ala maharat at-tabib fi najah al-amaliya, comme celui qui place sa confiance au fait que le docteur soit un docteur très compétent pour que l'opération se passe bien. Mas'alatun mata yakunu qad i'tamada ala al-asbab bil qara'in at-taliya. Il dit question importante, quand l'homme peut être considéré comme s'étant reposé seulement, avoir placé sa confiance dans les causes seulement et pas dans Allah. Il dit, on le voit par les indications suivantes. Minhuma yata'allaq bil qalb, fa yash'ur bil rahati wal itminan wa as-sukun li wujud as-sabab. Il dit, En ce qui concerne le cœur, la personne, elle le sait de lui-même. S'il voit qu'il ressent une tranquillité, et le fait qu'il se repose, s'il pense juste à cette cause-là, hein? Et si jamais cette cause-là est absente, qu'est-ce qu'il dit ? يَشْعَرْ بِالْقَلَقِ وَالِاضْطِرَابِ إِذَا تَخَلَّفَ السَّبَبُ أَنَّ النَّتِيجَةَ لَنْ تَتَرَتَّبَ. Il dit quoi ? Si jamais, si cette cause-là n'est pas absente, il a peur et il commence à être craintif que cette chose-là n'arrive pas, que ce qu'il veut n'arrive pas. Il dit l'exemple c'est quoi ? لَوْ ذَهَبَ بِمَرِيدٍ إِلَى طَبِيبٍ وَثَقَنَ الْعَمَلِيَّةَ سَوْفَ تَنْجَحْ وَارْتَاحَ لِذَلِكَ فَإِنْ عَمِلَ العملية طبيب آخر فلن تنجح العملية وهذا من الشرك الأصغر. Il donne l'exemple et il dit subhanallah, il dit si jamais un malade va voir un docteur et il a confiance en lui et il dit si jamais c'est ce docteur l'opération va bien se passer, et si jamais l'opération est commise par un autre docteur, il dit l'opération ne va pas réussir. Ça c'est du shirk asghar. Il faut faire attention parce que le shirk asghar, il faut bien comprendre que si on dit du shirk mineur, ça veut dire que c'est du shirk qui est moindre que du shirk akbar. Il ne fait pas sortir de la religion. Mais c'est quand même un des plus grands péchés. Parce qu'il y a quand même une forme d'association infime envers Allah Azza wa Jal. De mettre des choses au niveau d'Allah Azza wa Jal, mais ça ne fait pas sortir de la religion. Ça n'annule pas le tawhid. Il faut faire attention à ces choses.